Pour moi la rue c'est rien qu'un vice, un bise. Là où tu vois des mecs bise devenir de vrais repris de justice. C'est de l'inspi pour les artistes, certes. C'est des recettes pour les petits, mais c'est des cernes pour leur mère. Y'a pas de fierté à la vie grave, mon frère. Ma sœur, ne fais pas la belle car tu sors avec un gangster. Cherche pas le sommeil, t'apprends à dormir éveillé. Bah ouais, un coup de bélier serait si vite arrivé. T'auras que des larmes sur les joues face au star. À moins que tu aimes faire l'amour dans un parloir. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Ne cherche pas de l'or dans le cul de ta N-Kang. La rue c'est le sous-sol, j'aspire à être un ange. Fais pas la bouffonne, mélange pas l'amour et l'argent. Oh, don't chaff, viens on s'arrache, on se n'achave. Pareil que dans les parages, la rue a fait de nous des stars. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Tu viens pour la merde, tu repartiras marqué à la chienne. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Pareil que dans les parages, la rue a fait de nous des stars. A opérer un dimanche, quatre chemins, tu te crois en Afrique. Et pendant les heures creuses, tu sais s'il y a du trafic. Au marché, les flics en civil tâtent le melon. Mais ils sont tous cramés, ils ont la même tête qu'à la Delon. On n'est pas surveillé par les caméras, mais les pupilles. Alors on se méfie d'eux comme d'un camé qui me supplie. Si rien dans les poches, dans les têtes c'est la pagaille. Et les jeunes canailles ont des guns prêts pour la bataille. Y'a du bise, et les coins de rue sont tous pris. C'est triste à dire, mais le ghetto a sa propre industrie. Viens nous voir, périphérique, bord de la Villette. Tu viens pour la merde, tu repartiras marqué à la gilette. Ici y'a de l'urine de pitbull sur les trottoirs. Et c'est les gyrophares qui nous éclairent quand il fait trop noir. Y'a l'essence et les crânes qui sont sans plomb. Et ceux qui ont le fusil font trois tours puis s'en vont. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Tu viens pour la merde, tu repartiras marqué à la pour gilette. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Pareil que dans les parages, la rue a fait de nous des stars. Dans ma vie ça pue la merde, la défaite et la javel. Venu au monde malheureux comme jamais, rebeu comme Jamel. Plus rien ne va, c'est peut-être pour ça qu'on fait la gueule. Et si tu rêves de me niquer, prends un ticket, fais la queue. Ah ouais. C'est la rue, tous les jours faut que tu prouves. Au fond du trou, parle d'amour à la première pute que tu trouves. Les frères, les traîtres, les vainqueurs et les perdants. Les sincères et les menteurs qui jurent sur la tombe du père grand. La rage à des baskets, son délire c'est les cagoules. Si tu me défies, tu pourras voir le nouveau sketch. Des Kaku, des Ulysse, des Vries, de Grigny ou de Corbeil. On est tous baisés de la tête, tout seul au monde comme Corneille. J'avais des rêves mais je n'en garde que des souvenirs. Les cafards et les souris niquent sa mère à mon sourire. Il faut conclure, je finirai comme à chaque fois. Petit collage à droite et décollage à froid. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Tu viens pour la merde, tu repartiras marqué à la gilette. Pour moi la rue c'est rien qu'un vice. Dans les têtes c'est la pagaille, y'a du bise. C'est pas une vie, y'a pas d'espoir dans le bang bang. Pareil que dans les parages, la rue a fait de nous des stars. S-I-N-I-K Diamant. Fait circuler l'info sur les Blackberry.